au bout d'une vingtaine de jours, en direction de l'Atlantique Nord, alors que le professeur vient de s'équiper pour fuir avec ses deux compagnons, il rencontre le capitaine. Les bras croisés, silencieux, glissant plutôt qu'au marchant, comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots. Et je l'entendais murmurer ces paroles, les dernières, qui frappaient mon oreille. « Dieu tout-puissant, assez, assez !» Éperdu, j'arrivais au canot. « Partons, partons » m'écriai-je. « À l'instant !» répondit le Canadien. Mais les trois fuyards, dans les dangereux parages de la côte norvégienne, sont alors pris dans un maelstrom, un tourbillon dont aucun navire n'a jamais pu sortir. Le canot, arraché de son alvéole, était lancé comme la pierre d'une fronde au milieu du tourbillon. Ma tête porta sur une membrure de fer et, sous ce choc violent, je perdis connaissance.